Ah, vous avez pas l'air très enchanté. Si, t'es chaud? T'es chaud? Ok, ok. Alors j'ai quoi? J'ai inventé un nouveau scratch. Alors ça fait. En fait, tu sais, c'est tu aspires de l'air, tu expires, tu aspires de l'air, tu respires. Vas-y, essaye pour voir. C'est dur, hein? Mais écoute, regarde. Je fais ça, mais plus vite. Après, attends. Après, tu le mets dans le nez. Ouais. Et après, ben tu fais. Là, l'histoire des sons que je kiffe, etc., c'est des bêtises. Moi, ce que j'aime bien dans le beatbox, c'est la technique. C'est-à-dire qu'il y a des sons partout. Des tu vois, tout ça. Alors, je vais te faire ça. Ok. L'histoire du beatbox. Alors le beatbox, c'est commencé, je dirais, le mot, le terme beatbox, hein, quand il est sorti, c'était en 84, vers là, 83-84. Alors ça a commencé avec les Fat Boys, là, qui connaissent, non? Ouais. Après, il y a eu Dougie Fresh. Voilà. Ça, c'est moi. Et donc, il y avait aussi Bismarcky. Ah ouais, celui-là, il est fort. Alors, Bismarcky, tout le monde peut le faire. Vous allez voir. C'est facile. Je vous montre. Hop, hack, hop, hop, hack, hop, hack, hop, hop, hack. Essaye. Vas-y, vas-y. 3, 4. Ok, tu kiffes. Là, tu sais déjà beatboxer. Tu as un Bismarcky au fond de toi. Ça y est. Après, t'as le niveau au-dessus. Le niveau au-dessus, c'est quoi? C'est les Fat Boys. Alors, ça fait... Ils mettent un rythme par-dessus. Non, ça fait... C'était un peu... C'était comme ça, tu vois, le beatbox avant. Et après, on a passé au niveau au-dessus. Dougie Fresh. Alors lui, il a inventé un son. C'est un truc de dingue. On appelle ça le click-roll. Alors le click-roll, c'est quoi? C'est... Il y en a quelques-uns, ils savent le faire, je suis sûr. Ils se cachent, mais il y en a, ils savent le faire. Ouais! Yeah, ok. Et bien après, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il décortiquait ce son. Et puis il faisait un rythmique avec. Une rythmique. Donc ça fait... Il faisait petit. Voilà. Ça, c'était des bouffées. Après, t'as eu le niveau au-dessus encore. Et là, c'est très fort. Là, ça commence à être du beatbox dangereux, tu vois. C'est Razer. Tu connais Razer? The Godfather of Noise. Ladies and gentlemen, the sound that you heard. One man. Want to soil. He want to save the world. Razel, ça faisait ça. Ladies and gentlemen, I'm going to sing you now when the scene's got father's noise. Déjà, tu vois, déjà, ça commence, c'est lourd. Attends. Et après, il a envoyé un truc genre. C'est lui qui a inventé cette basse là. Il mettait un rythme dessus. Attends. Attends. Et après, il a inventé un truc de ouf. Où tous les beatboxers, quand on a écouté ça, on est... C'est avec sa bouche. C'est trop de ouf. Il faisait un truc comme ça. Il chantait en même temps qu'il faisait la rythmique. C'est pas possible. Toujours dit, c'est pas possible. C'est pas possible, mais lui, il l'a fait. Et ça fait... Les échos aussi, c'est lui qui les a montés. Les... Tu vois ça? J'ai pas vu de l'eau. Je m'égare. Et donc, il faisait ça et en même temps il faisait un beat. Alors il commence toujours des intros très longues. Thank you. to be a cross at the same time. Beat your father, pump, snap, snap. Beat your father, pump, snap, snap. Il a sorti le premier album que je connais entièrement beatbox. Enfin, quasiment, il y avait quelques tracks avec, tu vois, des instruments et tout ça, mais en majorité, c'était du beatbox. Il y avait d'autres tracks où, en fait, il invitait d'autres beatboxers dessus, notamment mon maître, que vous testez, le patron, le boss pour moi, qui s'appelle Kenny Mohamed. Mais alors lui, déjà, il a inventé une caisse claire. Ça fait. Quand je l'ai entendu, j'étais fou, tu vois. Et donc, il a inventé un morceau sur l'album de Razel. Ça fait. Garde le mouvement. On va voir si tu me suis. Ok, alors maintenant on passe à la new school. Alors la new school du beatbox, ben ça suit les mouvements de maintenant, voilà. Alors ça va, ça fait de la techno. Tu veux de la techno? Non, tu te fais. Ok, d'accord, non, c'est pas grave, je ferai après, ne m'embête pas. Et ça a du hip-hop, il y a du... je sais pas, il y a du tout quoi, tu vois, c'est vraiment tout, c'est cool. Non, alors, du dubstep par exemple aussi. Ah, il y en a qui font du dubstep. Je fais du dubstep ou pas? du dubstep, vous êtes sûr? Bon, ok. Ok. Toutes les lumières, c'est possible ça? Là? Ok. Ok, ok. Pourquoi tu siffles? Calme-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Alors maintenant, je vois qu'il y en a qui ont déjà ressorti leur portable, vous allez tous sortir les portables. Tous les portables, les allumer comme ça, de toute façon tu les lèves. Je veux que ça soit, tu vois, les étoiles dans la nuit, vous voyez? Je veux que ça soit beau. Ok, je vais. Oh là là là. Hé, hey, bombardier. Attends, bouge pas. Vraiment bouge pas, on va faire une photo. Viens faire une photo là, c'est trop dangereux. Vous pouvez applaudir bombardier vite fait là. Ok, tu mets une photo là. Une photo là. Oh, je veux. Hey. Oh nice. Attends, je me mets devant. Vas-y. Ok. Alors maintenant, je crois qu'il filme. Alors il va falloir faire du bruit là. Dangereux et les bras toujours en l'air. On est comme en boîte de nuit. C'est parti ou quoi? Ouais. Alors c'était cool les portables, c'était cool. Je valide. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un truc. Parce que c'était cool, vous avez agité vos portables, mais il n'y avait pas assez de bruit. Alors, c'est quoi comme en boîte de nuit? Je te recale. Chercher et tout, mais tu danses quand même, tu vois. C'est trop énorme. On refait. Allez, on danse tous ensemble. C'est parti. Thank you.